Il peut vous élever sur ce plateau élevé. Dieu est le très haut situé. Plus élevé que tout. Son nom est au-dessus de tout nom. Son trône est très élevé. Le trône de Dieu très haut. Et son fils, c'est le fils du très haut. Tout de lui est très élevé. Et son nom soit glorifié. Nous allons prier maintenant. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous sommes ici au nom de Jésus-Christ, glorifiant et bénissant ton nom, voyant tes promesses, cet ancien évangile, très riche, tout suffisant, bienfaisant, Dieu de grâce, nous voulons que tu nous bénisses. Pendant que nous sommes rassemblés ensemble. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis-nous, Seigneur. Délivre chaque âme. Agis en faveur de chacun. Et en faveur de toute l'Église. Tout ton peuple, ici et ailleurs. Dans le monde entier. Et pas ta grande puissance. Pas ta grande lumière. Reste les promesses. Pour ce temps ici, chacune d'elles auxquelles nous nous attendons. Conduis et bénis la réunion de ce matin. Pourtant, les puissances de l'ennemi. Le nom que nous sommes. Le nom que nous sommes. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoute nos prières. Fais justice à tes élus. Tu en as sur cette terre. Tu cries à toi jour et nuit. Fais leur justice selon ta prière. Rompe ma justice. Et bénis la prédication de l'évangile. Elle soit profitable pour chacun d'entre nous. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Bénis les malades. Donne la force aux faibles. Et chaque maladie soit diluée. Amen. Nous avons promis la bonne santé. Pour faire de nous des soldats de la paix. Sans dérangement, sans distraction. Nous croyons que tu es vivant. Nous savons que tu es ici. Et nous sommes confiants en ta puissance. Et bienfaisant. Qui garde ton troupeau. Et qui accomplit les promesses. Au nom de Jésus-Christ. L'ange du Seigneur campe ici. Il se tient à son poste. Pour veiller et faire du bien. Et chasser tous les ennemis. Mettre en dispersion tous les démons. Et la confusion entre dans leur camp. Et que ta lumière jaillisse. Rayonne parmi les ennemis. Et que cette lumière atteigne chaque âme. Délié du péché de l'incrédulité. Délié du péché de l'impudicité. Délié du péché de la pornographie. Délié du esprit d'hypocrisie. Délivre le Seigneur au nom de Christ. Tu as versé le sang à Golgotha. Je ne sais pas qui m'a fait prendre à Golgotha. C'est pour tes âmes. Je n'ai pas un miel. Si chacun doit se délivrer lui-même, alors à quoi servira Jésus? Si chacun doit compter sur ses efforts, à quoi servit le calvaire alors? Mais ce calvaire a eu un but. Il y a une raison. C'est toi le libérateur qui mourra. et nous croyons que ton sang est un sang rédempteur. Agis en toi et en nous de la parole. C'est radical. En vertu de laquelle, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et c'est toi qui as tout fait pour nous, pour faire de nous des héritiers et des grands bénéficiaires. Que chacun expérimente cela, qu'il le voie et sente combien le Seigneur est bon. Et que les secours qui ne manquent jamais, pour toute âme nécessiteuse, vraiment les secours, Seigneur. Intervient parmi nous. Intervient dans nos maisons. Intervient dans nos chambres. Intervient dans nos salons. Partout ton nom soit élevé. Il agit ses faces de merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions et nous croyons. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Ici, dans Malachie, au chapitre 4, nous reprenons le verset 6, non, 5 et 6 plutôt. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Tala, naïna kotine labino, mosakoli Elia, ibosona koyana monokolo, monene mpe, nasomo na Yahweh. Akubongo la mitema, nabatata epai nabana. Mpe mitema nabana epai na batata. Na bongo ete na ya mpe, na beta mokili na ekweli mabete. Acte des apôtres, chapitre 4. Misala na bantoma mkapo aminei. Nous prenons le verset 32. Toko zoandela na kotanga tukumisatu na mibale. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qui n'âme. Nul ne disait que ce bien lui appartenait en propre, mais tout était commun entre eux. Ebele na bandimi, bazalaki na motema moko, mpe na likanisi moko. Soko moko na bango azwi biloko, atangi yango biloko na ye penza te. Kasi biloko nyonso, bizalaki na bango lisanga. Colossiens chapitre 2, le verset 1 à 3. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens 2, verset 1 à 3. La lingette bino boye bamotindo na etumba. Ezali na ngai mpona bino, mpe bango kuna na Laodikia, mpe mpona nyonso ba oyo bamoni nano elongi na ngai na nzoto te. Nazali na etumba mpona kobondisa mitema na bango, kosanganisa bango na bolingo mpe na bososoli, na kososola penza mpona koyeba Kristo ye libombami na Nzambe. Kati na ye Kristo, mabonza nyonso na mayele mpe na boyebi masili kobombama. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Si kete Nzambe apambola botangi ya leba na ye mosantu. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous souhaitons à chacun de vous et aussi à tous bienvenue à la table du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Que la paix de Dieu atteigne vos cœurs. Face à tout ce qui peut arriver. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Alors que nous savons que l'intelligence, les humains disent que l'intelligence, c'est la capacité que l'on possède à résoudre le nouveau problème, à trouver de nouvelles solutions aux nouveaux problèmes qui se posent. Quand devant des problèmes, même très simples, n'arrive pas à trouver des solutions, on dit qu'il est un idiot. Et même quand il devrait se comporter comme avec un peu plus de civilisation, mais qu'il se montre trop bas, on dit que c'est un stupide. Mais toutes ces choses qui amènent les gens à des qualificatifs négatifs et mauvais, c'est parce qu'il manque la paix de Dieu. Et ceux qui qualifient et ceux qui sont qualifiés, tous manquent la paix de Dieu. Et la Bible dit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Crois-tu que Dieu a toujours raison? Nous nous faisons des histoires et nous nous créons des problèmes parce que nous n'avons pas la paix de Dieu. Que la paix de Dieu vienne dans nos cœurs. Que chacun soit atteint par cette paix. Je le souhaite très sincèrement pour vous. Chacun soit atteint par la paix de Dieu. Mon frère, es-tu en paix? Ton cœur est-il en paix? Ma soeur, es-tu en paix? Ton cœur a-t-il la paix? Tu n'as rien à nous parler, Yohanna. Est-ce que tu as la paix? Tu n'as rien à nous. Tu n'as rien à nous. Vous voyez, mon frère ne répond même pas. Que Dieu nous aide. Vous voyez ça. Le Seigneur dit dans Jean 14, verset 7. Je vous laisse la paix. Et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Et que votre cœur ne se trouble point. Et ne s'alarme point. Ni lelo te. Bouluye que te. Amen. Namotema oyo moyo. Amen. Elobin kolo. Que ça ait la place pour bloquer tout trouble. Et toute attitude alarmiste. Alarmiste. Tu vois, c'est très grave, vraiment. Ayez la paix. Que la paix de Dieu inonde ton cœur. Il dit que votre cœur à vous ne se trouble point. Ne s'alarme point. Votre cœur à vous croyants. Votre cœur à vous l'église. qu'il ne se trouble point et ne s'alarme point, que ce cœur là ait la paix, que votre cœur soit en paix, la vraie paix. Et Paul, quand il a écrit au sujet de l'Odyssée, vous connaissez ce passage que nous venons de relire et qui venait d'être lu il y a quelques jours à peine ici. Nous ne l'avions pas lu en passant, mais nous l'avons lu, nous avons quand même commenté. Le verset 1 à 3, vous qui prenez notre verre et ça, ça y est là. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand les combats que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à l'Odyssée, il s'agit de vous et moi qui sont à l'Odyssée. Le combat est soutenu pour nous. Par le Dieu omniscient. Et le Dieu prescient. Il connaît les choses avant leur survenue. Il connaît les événements avant leur avènement. Il sait tout prévoir. Il sait qu'est-ce qu'il fera. Même là où ton intelligence est à court. Mais l'intelligence de Dieu est suprême. C'est limité pour résoudre tout problème. Pour te sortir de chaque épreuve. Pour déjouer tout ennemi. Pour contourner tout piège. Et pour l'intelligence de Dieu est capable de faire cela. Que votre cœur ne se trouble point. Et ne s'alarme point. Attends, vous faites les membres à Libota. Nous sommes influents, importants. Nous sommes des passagers sur la terre. Toujours sur la terre a un début, il aura une fin. Ayez foi en Dieu. Que votre cœur ne se trouble pas. Et ne s'alarme pas. Qui peut dire honnêtement amen. Honnêtement, c'est ce qu'il faut. Au lieu de se plonger dans des troubles. Par un excès de pensée. Un excès de souvenirs. Affligeant. Traumatisant. Affaiblissant. Au lieu de te fixer dans les idées et dans le passé. Et plus tu y penses, plus tu as des douleurs. Mais ça t'apporte quoi? Tu ne fais que te détruire. Que votre cœur ne se trouble. Et que votre cœur à vous ne s'alarme. Point. Vous pouvez pleurer, mais ne vous alarmez pas. Pleurer, c'est humain. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, devenu homme. Il a pu pleurer. Allez là qui? Hein? Et Dieu nous a façonnés avec des yeux que nous avons ici. Elles sont pourvues de ce qu'on appelle les glandes lacrymales. Et à côté de ces glandes-là, il y a un canal lacrymal. Les glandes lacrymales, ce sont les glandes qui produisent les larmes. Par la fonction des émotions. Pas si Émotion. Parfois involontairement. Excès de douleur intérieure, des fois il doit être passé. Et humain, c'est naturel. Dieu ne va pas nous contredire, lui qui a créé ça. Et le canal lacrymal, là, il va, il sort jusque dans les narines. Ce qui fait que quand ces larmes quittent là, elle marche sur la conjonctive ici. Elle fonctionne bien. Elles sont dirigées vers un canal qui descend vers les narines. Quand ça entre dans ce petit canal, quand ça sort par le nez, voilà pourquoi vous pleurez. Ce n'est pas nécessairement les miyoyo. Ce sont les larmes qui viennent là-bas, qui inondent. Il y a un visiteur qui est appelé ici. Commence à changer la respiration. Le nez commence à couler. Mais c'est humain. Quand tu regardes dans Jean chapitre 11 au verset 35, la Bible dit, Jésus pleura. Parce qu'il avait aussi un corps humain. Et dans son corps, il y avait les glandes. Il y avait un canal là. Il pleure. Il a pleuré Lazare. Jésus, notre Seigneur. Yes. Par le corps de chair. Devant la tombe, Lazare. Lazare, mon ami. Lazare, mon ami. Et puis après, la différence entre lui et nous. Il ne pouvait pas s'alarmer. Il a pleuré, oui. Alléli. Il ne s'est jamais alarmé. Il avait le contrôle. Parce que la foi était à la bonne place. L'homme foi était bien posé dans le corps. Il a dit, Lazare. Lazare. Ça, c'est plus que l'émotion. C'est un cri de commandement. Mêlé d'une voix d'arrogance. Lazare sort. Il est sorti. Et Jésus n'a plus pleuré. Yes. Voyez-vous la consolation que nous vient-nous? C'est que Dieu répond à nos prières. Et Dieu est un Dieu de miracles. Dieu intervient quand nous le cherchons seulement. Et Dieu honore sa parole. Et s'il doit consoler votre cœur, ne cherchez plus dans le vide. Ne faites plus promener les pensées dans le vide. Ne promenez jamais de regard entiers. Vous qui êtes à l'Odyssée, la parole vous ordonne d'avoir un même cœur. Et ce cœur-là qui est ici doit être là-bas, doit être ici, doit être là-bas. Un seul cœur. Le verset 3, 2. Colossiens 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Ils sont également pluriels. Ils sont nombreux. Mais c'est un seul cœur que Dieu voit en eux. Un seul cœur que Dieu a prévu en eux. Ceux qui sont à Laodicea. Ils sont nombreux. Partout là, il est dit, ceux qui sont à Laodicea, ceux. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Tous ceux, pluriel. Mais pour les considérer chacun individuellement, chacun doit avoir un cœur. Et si on les regroupe ensemble, ils doivent tous avoir plusieurs cœurs. Et plusieurs personnes mises ensemble, constituant plusieurs cœurs mis ensemble. Oui, anatomiquement, oui. Mais dans la parole, c'est pas ça le plan de Dieu. Dieu ne voit pas le chacun pour soi. Et Dieu pour tous. Comme dit l'adage des humains. Il est pour son peuple. Il a prévu et veut voir un seul cœur. C'est son programme. Et ceci doit vous préoccuper. Chaque frère, chaque soeur. L'apôtre Paul, sous l'onction du Saint-Esprit, a écrit cette belle sainte écriture. Afin qu'ils aient le cœur singulier. Rempli de consolation. Un cœur rempli de consolation. Pourquoi? Parce que cet âge de la Odyssée où ils vivront, ce sera un âge de consolation de Dieu. Et Dieu visitera à nouveau son peuple. Lorsque Noé était né dans Genèse chapitre 5, nous voyons que les saintes écritures qui ne mentent jamais, elles nous disent ceci. Verset 28-29. Le mec âgé de 182 ans engendra un fils. Et ça là qui le mec n'emboula mokama na tuku mwambe na mebale abota ki mwana mobali. Il lui donna le nom de Noé. Apesa ki ye kombo ya Noa. Noa. En hébreu c'est Noa. Na monokabaila itali Noa. Noa, vous n'êtes venu donner comme nom à une voiture qui est dehors ici. Noa, oui, ben apesa kombo, n'a pas la kutuka moko d'animata. Noah. Comme on écrit là, Noah, vraiment comme on écrit là, c'est pas en hébreu. Et on dit ceci. Il lui donna le nom de Noé. Après ça, comme Noah. En disant, alors, bah, qui était... celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudit. Ye oyo akobondisa biso kati na moloji mpe mosala makasi na maboko na biso epai na mokili oyo elakaki yawe mabe. Ça, c'est le cri de naissance de Noé. Son père, le maître, l'a dit et c'est son cri. Satana, le maître, le maître, le père, comment celui-ci nous consolera. Oh boy, akobondisa biso. Mais ceux de la Odyssée doivent avoir le cœur rempli de consolation. C'est la parole du même Dieu qui est. Il y a eu autrefois un fils par qui la consolation devait se produire. C'est l'histoire du peuple de Dieu. Et ce fils-là de l'émettre s'appelait Noah. De sa naissance, il était prédestiné à être un fils de consolation. Quand il est né, un message a été donné. Comme quoi, par lui, la consolation arrivera. C'est un enfant particulier. Regardez de toute l'essence, il y avait là-bas la jeunesse. Il n'y en a pas un qui a un cri particulier comme celui-là. Il a été distingué. Et l'esprit de prophétie de son père, le mec, a le sujet de ce bébé-là. un petit garçon. Que celui-ci nous console. De toutes les fatigues. Oh, nous travaillons et nous sommes fatigués. Trop de frustration et de déception. Dans la vie sur terre. Dans nos relations sociales. Dans nos relations familiales. Dans nos relations sociétales. Et organisationnelles. Même national, territorial, les relations foncières, nous sommes fatigués à nous rechercher des solutions. Celui-ci nous consolera. Cet enfant qui vient de naître nous consolera de toutes nos fatigues. Et du travail pénible dans nos mains. Nous donnons de cette peur que l'Éternel a maudit. Voyez là. Et dans Genèse 6, il a dit ceci. Verset 8. Et l'Éternel dit, quand l'enfant avait déjà grandi, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que je crie. Yahweh alobaki ete na kolongola na mokili bato oyo na salaki ngai. Depuis l'homme jusqu'au bétail. Mais écoutez une exception. L'exception de naissance. Répète encore à l'âge adulte. À l'enfant, c'était les paroles prophétiques d'un père. À l'âge adulte, c'est la révélation prophétique de Dieu lui-même. Avec un enfant qui avait un destin prophétique. Verset 8, le Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Or l'Éternel dont il est question, c'est le Dieu de toute consolation. La consolation a un Dieu. Noé, c'est le nom de notre Dieu. Il vous laisse la paix et il vous donne sa paix. Laisse-le qui console. Mieux que l'humain ne peut le faire. Il est celui qui console. Le tambour ne va pas pour rien. La consolation a un nom. Et c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, il a travaillé. À travers un prophète sur qui l'Esprit de Christ avait reposé. En mesure, en portion. Et la salle qui nous salue dans le sac à et le peuple de Dieu a été consolé. Les méchancetés ont été nettement freinées. Dieu a exercé un grand jugement à l'échelle planétaire. C'est-à-dire qui a concerné toute la planète Terre. Et pour qui nous les humains. Masculin et féminin. Les animaux. Les oiseaux. Les reptiles. Et tout. Et passer sous le coup de Jésus. Par les grandes eaux. Et le même Dieu qui avait fait ça, il a encore annoncé quelque chose ici dans Luc chapitre 17. Oh, comme la parole est merveilleuse. Mais Luc 17, verset 26. Hein. Ce qui arrive à du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Nous y sommes. Au jour du Fils de l'homme, ce sont les jours qui précèdent le retour du Fils de l'homme. Ils viennent juste avant que le Fils de l'homme qui était parti au ciel revienne chercher son homme. À ce jour-là, où l'on sera en train d'attendre le retour du Fils de l'homme, ce qui s'était passé au temps de Noé arrivera pareillement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il naîtra aussi un enfant qui aura le destin prophétique. Aussi Dieu parlera de son enfant. Et puis Dieu des nations aura accompli. Il sera en quelque sorte le Noé du temps de la fin. Ah, c'est pas moi qui invente, c'est la Bible qui dit ici. Soit de la Odyssée doivent avoir le cœur rempli de consolation. Paul qui a écrit ça n'a pas vécu au-delà de l'encens. Il s'est éteint au cours du premier siècle même après Jésus-Christ. Maintenant, ceux qui n'ont pas vu son visage à la chair, ils apprendront seulement de son passage préhistorique. Qu'il a vécu là-bas longtemps. Dans les siècles reculés. Comment accéderont-ils à cette consolation prévue? Ils n'ont pas vu son visage en la chair. Ils sont à l'Odyssée. Mais comment accéderont-ils à cette consolation? Il faut que le Dieu de toute consolation puisse intervenir, puisse accomplir son travail, puisse accomplir son œuvre en leur faveur. Il réalise quel est le degré de consolation que Dieu leur apporte. Même si Paul qui avait écrit ça n'est plus en vie, mais Dieu qui lui avait inspiré est vivant pour l'éternité. Et il est celui qui veille sur sa parole. Peux-tu voir? Il y a un Dieu de toute consolation. Il existe et il agit. Ne pensez pas que vous ratez ceci ou cela. Il sait ce qu'il y a. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père des miséricordes. Et le Dieu de toute consolation. Si dans cet âge il était prévu une grande consolation, la consolation du cœur des enfants de Dieu, alors il y a un Dieu qui est censé le faire. Et toi tu dois en devenir bénéficiaire. Regarde l'écriture et souviens-toi que Dieu ne faillit pas. Ça doit s'accomplir. Il est le Dieu de toute consolation. Et c'est lui qui consolera les gens de la Odyssée. Gloire au Seigneur. Qui nous console dans toutes nos afflictions. Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. De sorte que même si Paul devait être physiquement ici, dans le passage de la Odyssée, qui a débuté depuis 1900 ici, Paul n'avait pas de consolation familiale à nous apporter. Il n'avait pas de consolation personnelle à fournir au peuple de Dieu. S'il y avait une consolation qu'il pouvait nous faire, dont il pouvait nous faire jouir, Paul lui-même écrit aux Corinthiens, c'est la consolation dont lui-même était l'objet de la part de Dieu. Car en réalité, Paul n'était pas le consolateur. Aucun prophète n'est le consolateur. Mais c'est le Dieu qui est maître des temps des circonstances. Le Dieu qui sait tout là. place for Anna. C'est lui qui est le Dieu de toute consolation. Mais il utilise les humains. Il travaille à travers les humains. Mais toute la gloire ne doit pas aller à l'homme. Cassie. C'est lui qui console. Vous croyez ça? Vous avez demandé? Ésaïe chapitre 40. Isaïe chapitre 40. Le verset 1. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? C'est encore Dieu qui parle. Consolez, consolez mon peuple. Dit votre Dieu. Verset 2. Parlez au cœur. Encore là, un seul cœur. De Jérusalem. Jérusalem, une ville peuplée par le peuple de Dieu. Par plusieurs personnes. Mais Dieu voit en Jérusalem un seul cœur. Et il veut s'adresser au cœur de Jérusalem. Il s'adresse au cœur de son peuple. Il veut que son peuple ait un seul cœur. Et que ce cœur-là, Dieu lui parle. La servitude est finie. Que sa servitude est finie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous allez faire une nouvelle, fini. Écrite pour que nous puissions l'annoncer. Et comment est-ce que nous puissions la prêcher? Que sa servitude est finie. Et comment est-ce que que son iniquité est expiée. La soumounaïe et l'imbissami. Et qu'il a reçu de la main de l'éternel. A fini que j'en ai pas qu'on a au double de tous ses péchés. Malami malé, n'a pas soumounaïe non ça. Et a payé un prix complet. Ça m'a fait pas qu'il vous tuez encore, ma bimba. Jéhovah, votre sauveur. Et ça me dit qu'il s'en a dit non. Yeshua, la machia. Yeshua, la machia. Il a versé son propre sang. Saint-Emmanuel. Pour expier vos péchés passés. Pour la colline, ça m'a soumounaïe non les cas. Et c'est valable pour le péché à venir. Pour la colline, ma casse pour la machine. Le diable entend vous tourmenter. Et pas un putain de la ne vous inquiétez pas. La solution figure déjà aux mains de Dieu. Et il y a nos gens à qui on ensemble. Le même sang qui vous a expié le péché du passé. Le même sang qui vous gardera pour rester devant Dieu. Il y a un combat de Dino, nous sommes pour répondre à Christ. Qui n'a pas besoin de Christ? Tu as reçu de la main de l'Éternel double de tous tes péchés. Il s'agit de péchés passés. Si tu es répandu, tu es allé dans les eaux de baptême. Et pas tous pardonnés. Au courant de la marche chrétienne. Il s'agit de trébucher ou de faucher. Il y a des constructions. Le même sang qui t'avait purifié. Le même sang qui t'est purifié. La rédemption que Dieu te donne est une rédemption permanente. Vous l'avez tout le temps. Ephésiens chapitre 1. Le Saint-Esprit lui-même l'a dit. Il a dit ceci. Ephésiens chapitre 1er, verset 7, hein. En lui, nous avons. Il ne dit pas nous avions. Il ne dit pas nous aurons. Mais il dit nous avons. Chaque jour que tu le liras, c'est nous avons. Aujourd'hui, nous avons. Demain, nous avons. La semaine prochaine, nous avons. La semaine passée, nous avons. En lui, nous avons. Ma demeure en permanence. Qu'est-ce que nous avons là? La rédemption par son sang. Les pardons des péchés, selon la richesse de sa grâce, pour la mort, la et Que l'église dise Amen. Et que les gens soient Amen. Est-ce que tu vois ça clairement? Ephésiens 1, verset 7. En Christ, il y a quatre réussites. Nous avons. Même si le diable est souffrance. Chaque jour, nous avons. Chaque semaine, nous avons. Chaque mois, nous avons. Chaque année, nous avons. Chaque siècle, nous avons. La parole de Dieu demeure éternellement. Nous avons. Rédemption par son sang. Ici, que l'on dirait dans la quille d'ailleurs. Et le pardon des péchés. Vous avez ça chaque jour. Le pardon des péchés. Vous avez ça chaque jour. Nous avons et nous avons. En lui. Même si les hommes sont rancuniers, ils ne sont pas prêts à vous pardonner. Rappelez toutes vos fautes chaque jour. Mais si nous avons des hommes, car Branham dit qu'à l'homme, il n'y a rien. Il ne veut pas me saluer. Il ne veut plus me regarder. Mais attention. Tant que vous avez appelé, il est écrit, tu as ce pardon en Christ. Il est écrit, autant que cela dépend de vous. Vivez en paix avec tous les hommes. Donc, ne devenez pas vous-même rancunier. En disant que pasteur David a le mot qui s'appelle. Quand je dis appeler, c'est une façon de vous montrer que n'en souffrez pas. Et quand tu as l'occasion de saluer. Yende a goziga. Alors, mépriser ou détester quelqu'un, c'est un vraiment horrible. Le pêcheur plongé dans ses flots Père de toutes les cieux. Oh Père de Père de toutes les cieux. Père de toutes les cieux. Les pêcheurs plongés dans la cieux. Père de toutes les cieux. Makilana Kolo Isu Oyo Asopaki Ama Eko Kena Kosokola Masambana Bisa Eko Ke Kena Koso Kola Masu Mona Peso Ama Eko Kena Koso Kola Masu Mona Gaya wa na yemi o nandi maka Amen Omani pe na yendi ngo na esengo na elengi. Ebongo yo. Ebongo yo. Oyindi ngo boni yo. Ah. Yembaka ngo na esengo na elengi. Atu mama. Atu mama so. Ne te casse pas la tête. Yo, comment ça me fait pas citer. Viens à la fontaine. Yaka na nzeba. Viens à la fontaine. Yaka nzeba. À la croix où mourut mon sang. Moi j'ai crié pour être aidé, purifié. Oh là, le sang fut appliqué à mon. Oh alléluia, gloire à. Oh non, à l'agneau, gloire, gloire à. Merveilleuse louange, gloire à son nom. À la laissance, à l'essence, je t'applique à mon cœur. Oh, alléluia, gloire à son nom. Viens à, viens à la fontaine si riche et pure. Oh, je fais ton âme au pied du sang. Oh, plonge-toi, plonge-y aujourd'hui. Et sois pur. Prépare la main. Gloire à ton. Oh, à l'agneau immolé. Gloire à ton. Merveilleuse louange, gloire à ton nom. En la laissant, la laissant, tu t'appliques à mon cœur. Alléluia, gloire à ton nom. Père, gloire, gloire à ton nom. Gloire, gloire, gloire à ton nom. La laissant, la laissant, tu t'appliques à mon cœur. Oh, gloire à ton nom. Ne te casse pas la tête. Tu as déjà la solution. Ça, mais attends, il y a un nom. C'est une puissante consolation. Il la porte en permanence. Il est somme par l'air très beau. Il dans tous tes droits divins. Tout ce que Dieu a prévu pour toi. Tout ce que tu as censé hériter. Mais tu en jouiras pleinement. Et le Saint-Esprit y veillera. Moi j'ai confiance. Quand lui Christ, nous avons toujours. À tout moment, nous avons toujours. À tout instant, nous avons toujours. La rédemption par son sang. L'ici, quand nous allons nous le pécheur qui n'a jamais cru. Attends, nous sommes il y a aujourd'hui. Il peut recevoir cette rédemption aujourd'hui. Il peut entendre que c'est répandu de soi. Il peut entendre que c'est répandu de soi. Il a. Il a fait agir. Dès ce moment-là, il devient nous avons. N'a pas voilà commis, vous aussi. Agir. Le langage aussi devient nous avons. Le langage commis, vous aussi. Même celui qui n'a jamais été baptisé d'eau. Attends, on va pas s'abonner dans le monde. Il est le seul qui va nous en dire. On a dit qu'on a cassé dans le monde. Et dès ce moment-là, lui aussi il a. Je peux agir. Chaque jour il a. Tant à tout instant il a. Tant à répandez-vous de vos péchés. Et vos péchés seront remis. Pour la rémission de vos péchés. Répentez-vous chacun. Soyez baptisés au nom de Jésus. Acte 2, verset 32. Pour la rémission de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez ensuite les dons de Dieu. Qui est le Saint-Esprit de la vie éternelle. Qui peut dire honnêtement Amen. C'est honnête de votre part. On ne peut pas faire semblant ici. Il faut tout le monde dire Amen. Tu crois et Dieu t'honore. Nous avons cette rédemption. En permanence. Alors dans l'âge de la Odyssée, Dieu de toute consolation, qui sera vivant après la mort de Paul. Et après la mort de tous les apôtres du premier âge. Et de tous les serviteurs qui nous ont précédés. Et de toute consolation, entrera de nouveau en scène. Oh, béni soit le Seigneur. Ça nous rappelle ce qu'il avait fait autrefois. Oh, mes chers amis. Dieu avait fait quelque chose de phénoménal autrefois. Autant de premiers croyants là-bas. Et il est le même Dieu. Dans Luc chapitre 7. Il est écrit ceci, verset 11 à 16. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, à Naïm donc, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Nabmokolo Nasima. Yesu akendaki namboka namoko kombo na yango na yina. Bayekoli na ye na ebele monene bakendaki na ye nzela moko. Kwana ebele makiye na monoko namboka. Bazalaki komema mokufi na libanda ye mwana na likinda na mama na ye. Maman pe akufeli mobali. Ebele na monene na bato na mboka bazalaki na mwasi elongo. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit ne pleure pas. Amen. Emonaki nkolo ye ayokelaki ye mawa pe alobaki na ye ete lela pe. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Akendaki epai na sanduku, mpe anamaki yango, mpe ba oyo bazalaki kumema batelemaki. Alobaki ete elenge mobali, na lobina yo ete c'est quoi? Et le mort s'assit. Mokufi afandaki. Aussi simplement que ça. Na pete boy, que le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Quelle simplicité. Pour ceux qui m'ont tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous. Amen. Et Dieu a visité son peuple. Amen. Maintenant, nous sommes, comment ont-ils pu dire ça? Alors, parce que le Dieu de toute consolation venait d'intervenir. Après plusieurs années, si mon ami est allé, sans prophète, on n'avait que des cultes traditionnalistes. On verra qui n'a pas sans bénédiction. Oh, pio. Un tas de théories qu'on nous a accumulées. On ne sentait aucun signe de Dieu en Israël. Me voilà un prophète surgir. Sans tambour ni battant. Qui ne fait même pas sa publicité. Il est un disciple de l'évangile. Les gens, une veuve inconsolable. Certainement qu'elle a pu faire tout ce qu'elle pouvait, mais la mort ne se produise pas. Comment ce fils unique lui était si cher. Vous voyez, pour elle, c'était un fils unique. Oh, miséricorde. Mais il est mort. C'est comme quand vous perdez votre père. Vous savez, biologiquement, est seul père. C'est comme quand vous perdez votre mère. Vous avez biologiquement une seule mère. Vous voyez là, vous devenez des fois inconsolables. Tout comme aussi un parent, un père qui perd un fils unique. Quand il n'en a pas d'autre. Comment est consolé? Une mère qui a un fils unique. Maman Ouazana, maman, au lieu de lui dire comme croyant que votre cœur est à l'arme, hein, parce qu'elle n'avait pas encore cru, il dit ne pleure pas. Alors, on commence par des pleurs répétées qui conduisent à un état dans l'armement. Ces conséquences seront, vont disparaître. Elle-même ne pleure pas. On est la paix. Mais je ne connais pas cet homme. Est-ce qu'il veut être indifférent à l'égard du mal qui me frappe ou quoi? Il n'a pas réagi comme ça. Des fois l'attitude, quand vous adoptez une mauvaise attitude à cause de vos impulsions, vous allez rater une bénédiction de Dieu. C'est toujours l'attitude qui produit les résultats. Ce qu'on veut comprendre, c'est fendre de voix nier, c'est d'aller souligner dans Zambé. Amen. Talaga, imagine, mets-toi à sa place. C'est naturel, tout le monde a compati. Jésus aussi a compati à son égard. Yes, elle n'a pas vu d'abord cette compassion. Au-dedans de Jésus. Le Bon Âme dit que la compassion, c'est faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas multiplier les émotions. Et des paroles d'apitoyement. Vraiment, tout ça, ça va donner quoi? Vous ne faites qu'aggraver la souffrance de quelqu'un. Lui, Jésus a compati différemment de nous. Dans cette compassion, il a démontré sa disponibilité à accomplir la volonté du Père, et le Père donne vie à toute chose. Il donne vie à tout ça. Il a compati pour elle. Et jusque là, cette dame n'a rien dit. La veuve de Naïm. Il lui parle, dit, ne pleure pas. Oh. C'est quoi ça? Il y a un bon Jésus. Tout ça n'est qu'à ma tanga. Yangai, le linga soit pour honorer mon way, moi, n'a yango yo. Tu as même des poulets quoi? Yo, n'a pas mis, oui, mais ça n'a pas été. C'est quoi la salle? C'est quoi la salle? Moi, n'a pas coupé, ma femme n'a pas fait un endogi. Attends, la tête pour y aller. Qui a dit que les endogi ne plaire pas les mots? C'est ce que je vous ai toujours dit, moi je ne crois pas à la sorcellerie. Je ne crois pas à la sorcellerie pour qu'on vienne m'enseigner la sorcellerie. Regarde ici au nom. Baliaki le bogo naïe. Chingani mutualegi le bogo musu aliaki mis. Ngaina au monébé, mais ça va n'est pas mon bimba. C'est quoi ce que vous voulez dire? Baliaki le bogo. Arrêtez ces histoires. Mais le corps est là tout entier. On parle de la Je reconnais l'existence de la sorcellerie. Mais je ne crois pas. Moi, je crois l'évangile. Je crois Jésus-Christ. Je crois le message de l'heure. Plusieurs ne me comprennent pas quand je dis. Chaque fois que je dis ça. Il pouvait être troublé. Mais est-ce que c'est la grande mokino? A manqué et respecté. A manqué et respecté. Poursuit sa démarche. Yes. Le cercueil. Ici, il n'a pas crié. Il n'a pas frotté les mains, il n'a pas tapé les mains. Rien de tout ça. Et moi, comment vous faites le jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. C'est quoi? Et le mort s'assit. Et mon coufi bandit. Il s'est mis à parler. C'est tout. Et c'est lui. Oh, est-ce que ça le magabongo? Boyende. Amen. Est-ce que c'est possible encore? Oui. Amen. Et quoi que ça le nous devons foutre dehors toutes les théories pentecôtistes. Et c'est que le peuple nous a dit banda. Toutes les théories des groupes de prière. Quand nous m'en allons sur le terrain, si tu ne passes pas les mains en prière, Dieu ne va pas écouter. Ah, parce que je vais te demander à côté, il y a ce qu'on a dans la roca. Il faut taper des pieds. Tout ce tapage là, tu le fais pour te plaire à toi-même. Mais quel est le n'a pas besoin. Il n'a jamais demandé comme ça. Il a dit que tout ce que vous demanderez au Père, c'est la prière et par la foi. Il vous les donnera. Demander ne veut pas dire de taper les mains. Demander c'est demander. Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit. Et puis il s'est mis à parler. L'autorité de la parole. L'autorité de la parole. Laisse que le Seigneur nous les donne à nouveau. Il restaure son église à ce moment-là. Qu'elle soit formée de hommes et de femmes de foi. Et ça, les mains l'autorité restaurée. Qui n'ont peur de rien. Qui peuvent déplacer les montagnes. Qui peuvent verser les épreuves. Neutraliser la maladie. Parce qu'ils sont le Dieu de toute consolation. Quand les gens ont vu ça, ils se sont mis à glorifier Dieu. Ils ont dit, un grand prophète apparu. Et Dieu a visité son peuple. C'est le Dieu de Noé. le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu des chrétiens d'aujourd'hui. Qui a promis la consolation au temps de la paix. Et que le peuple de Dieu ait un même cœur. Voyez-vous ça? Que Dieu soit béni. Il est à l'œuvre pour ça. Même si on a des divergences momentanées. Et des désaccords par moment. Le Dieu de son œuvre. Le Dieu de toute consolation. Ne délaissera pas son œuvre. Il parfaira les Écritures. Dans Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ne désespérez jamais. Malgré tout ce qui arrive et tout ce qui se passe. Regardez au Dieu de sa parole. Aucune écriture ne faillira. Le peuple de Dieu dans cet âge de la Odyssée aura un même cœur. Il doit l'avoir. Parce que c'est l'une des conditions avant l'enlèvement. Un même cœur. Une seule âme. Moi, les noms. Tous la même nature divine. C'est ce que Dieu a prévu dans la Odyssée. Et son même cœur-là doit être rempli de consolation. Par le Dieu de toute consolation. Ce que vous voyez là, il doit y avoir intervention de Noé du temps de la fin. Un homme par qui Dieu va déclencher la consolation du peuple de Dieu. Mais il est le maître d'ouvrage. Il est le chef d'œuvre. Il est le propriétaire de tout. Mais il travaille à travers les humains. D'abord, il y a eu un prophète. Le peuple a reconnu la visitation de Dieu. Et la veuve qui était inconsolable a trouvé une vraie consolation. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 11, que les femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. Dans les temps anciens, ce fut le cas. La femme tsunamique n'a-t-elle pas retrouvé son mort par la résurrection? Mais non, le début du Nouveau Testament, la veuve de Naïm, avant que le sang ne n'a-t-elle pas aussi reçu retrouver son mort par la résurrection? Les deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie, deux femmes, n'ont-elles pas retrouvé leur mort, Lazare, par la résurrection? Alors, Hébreu 11 dit, les femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. Même si tu perds quelqu'un, le même Dieu qui a écrit ça peut te consoler. Ton mort va ressusciter. Hébreux chapitre 11, je l'ai dit. Pour couper toute incrédulité. Verset 35. Et il est écrit comme ça, l'esprit d'incrédulité va attraper un nouveau fouet. Lisons tous ça à haute voix. Allons-y. Les femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Dites maintenant Amen. Amen. C'est écrit, c'est pas David qui est battu. Eh, comment là où dit tout le monde est en haut. Quoi sur le bon vote pour le bisous de ton mort vivra. Le mort de Marthe a été ressuscité. Jésus-Christ là, il sait ce qu'il fait. Le mort de la veuve de Naïn était ressuscité. Le mort de la femme Sunamite a été ressuscité. Le même Dieu existe jusqu'à présent. On a pas ça. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Vous savez, souvent, ce sont les femmes qui sont les plus brisées. Quand il y a la mort, je ne dis pas que les hommes ne sont pas brisés. Plus, ce sont les femmes. Vous savez pourquoi? Parce que c'est par elles que la vie vient au monde. Ce que le peine de porter une grossesse. Et les difficultés pour élever un enfant. Et si après avoir fourni autant de travail, tu ne tiens pas. C'est pourquoi tu t'es abandonné. C'est une douleur indescriptible. Je vous ai dit une fois ici, quand un enfant perd son père, on l'appelle orphelin de père. Les Français ont trouvé un qualificatif pour cette douleur-là. Et quand un enfant perd sa mère par la mort, on l'appelle orphelin de mère. Donc la douleur-là que l'enfant restant s'appelle orphelinat. Et maintenant quand un père perd son fils. Même la langue française n'a pas trouvé un qualificatif pour cette douleur. Et quand une mère perd son fils, on l'appelle qui? La douleur est indescriptible. Même dans notre langue française est pleine de mots. Comment qualifier ça? C'est pas l'orphelinat. L'homme qui perd sa femme, on dit veuf. La douleur là est déjà décrite. Et la femme qui perd son mari, c'est une veuve. Mais quand il s'agit des parents pour leurs enfants. Ah, peut-être un jour les hommes trouveront. On en a trouvé. Allons-y.